Parler, on est énervé, donc on va se désénerver au micro. C'est Pyongyang City Rockers numéro 373, je le dis à la belge maintenant, vu qu'on me l'a conseillé la semaine dernière. Ce soir, peu de grandes leaderesses et leaders. Célia devrait arriver, mais pour l'instant, elle est bloquée quelque part sur la route. Ouais. Dans le métro, c'est le même bordel, hein, c'est pété de footix. Il y a un match, c'est Feyenoord, je crois, contre Lille. Bref, ils sont mignons, tout cela. Et puis ce soir, nous avons un invité, mais qui va peut-être pas dire grand chose parce qu'il a rien préparé. C'est Philippe. Bonsoir à tous. Ah, bonsoir. Normalement, c'est un auditeur, hein, il écoute, mais ouais. Voilà, il a fait le chemin. Toi aussi, t'as bravé les hordes de gens en écharpe. Ouais, carrément. Bon. J'essaierai de trouver quelque chose pour la fin de l'émission. Ouais, je me baladais donc, enfin, je suis venu en métro et j'avais la joie d'essayer de scruter les visages de pierre des gens qui allaient faire les kékés dans le stade. Je n'y ai rien vu à part une expression vide. C'est un peu ce que nous racontent les Croates de Pranje Mozga. J'ai déjà passé ça il y a un petit mois, je pense. Pranje Mozga qui nous font un truc qui s'appelle Kamena Fatsa. C'est sorti il y a pas longtemps. Vous allez chercher ça sur leur Bandcamp. Enfin, c'est écrit PRNJ. MOZGA, ça c'est le nom du groupe, Pranje Mozga, ça veut dire lavage de cerveau, et donc c'est ce que je vous invite à subir maintenant. Ainsi, vous n'aurez pas ce visage de pierre, Kamena Fatsa par Pranje Mozga. Ouais, bah du coup, hors antenne, on se disait que quand même, c'était un petit peu compliqué, quoi. C'est quoi ces supporters lensois qui reculent devant les Lillois? Enfin, ils reculent aussi devant les Néerlandais, hein. En tout cas, si Gaël et Val ne sont pas là, ils m'ont par contre envoyé les choses à passer. En effet, on avait promis qu'on allait passer des trucs. Voici donc ce que nous raconte Monsieur De Warlin. Je vais vous parler d'un scud qui va sortir... début mars 2025, un disque dans lequel Mawashi prend part en tant que label et ami. Il s'agit du dernier disque que proposera le groupe bordelais Capo Blood, un EP en hommage à Chicken, l'ancien guitariste du groupe décédé en 2020 et membre fondateur du groupe, en hommage à Damaskin, le pré-Capo Blood, et en hommage à la première période de Capo Blood, celle de 2012 à 2020, leurs années squat. Je vais vous passer le morceau Les années Bergo, qui donne son nom à cette EP d'adieu, mais avant ça, petite historique du morceau. C'est un des premiers morceaux de Damaskins qui parle de Chicken, Sinok et Kev sur la période 2012-2013, époque à laquelle ils vivaient tous les trois au bunker quartier Bergonier. La fin du morceau concernant la Sabre Army est un clin d'œil à Mastrai, le bassiste original de Capo. Tous les morceaux du EP sont des morceaux de Damaskins, dont un des débuts de Capo Blood, Maintenant ou Jamais, que Kev a évidemment réécrit pour le mettre au goût du jour, et il y a un morceau écrit par Chicken. Le groupe jouera son dernier concert samedi à Blanquefort, à côté de Bruges, pas notre Bruges d'ici dans le Nord, mais celui qui se trouve à côté de Bordeaux, en compagnie de 8-6 Crew, Wunderbar et Ban From The Pub. Cherchez pas, c'est déjà complet. Radio Campus Lille, c'est l'émission Pyongyang City Rockers qui te propose une exclusivité des Bordelais de Capo Blood, Les Années Bergo, sur le 106,6. Rip Johan, oi. Après le boulot, c'est l'heure. Toute la famille se rejoint au bunker. La cible cranable, on se fait beau. Et c'est parti, on se met sous à l'accro. Après quelques canettes et quelques feuilles de pinard, on zorne un mode connard pour aller au bar. Arrivé à la victoire, ça cogne la bagarre. Chicken a les pété, moi un cocard. Arrivé à l'antidote, on embrasse les poteaux. Et on va au comptoir taxer des bières au crado. En attendant, Sino qui est en train de trahir. Tout ce qu'on a bu, on est en train de gerber. Allez, lâche-nous, on veut juste picoler. Dégagez, vous faites chier, je vais fermer. Damien, ma Marie, nous fout sur le trottoir. Alors on va foutre la merde en petit quart. Complètement chez Thor, c'est nous les plus forts. On s'en fout, ce soir la ville est à nous. Complètement chez Thor, c'est nous les plus forts. On s'en fout, ce soir la ville est à nous. Je me réveille chez Bamba. Sur le carrelage, lâche trop éclaté. Putain, qu'est-ce qu'il s'est encore passé? Ah ouais, cette nuit on s'est encore bastonné. Et ce soir je dormirai en garde à vue, pendant que le branco sera au PMU. En train de faire chez Sinop pour ses lacets blancs. Chicken, tu vas coffrer le foncé au volant. Tracer les temps ont encore changé. Toutes ces sabreries appartiennent au passé. Et moi je suis là, comme à l'époque, avec mes potes, avec la même boule à l'estomac. Jamais je n'oublierai tout ce qu'on a vécu. Les bastons, les galères et tous nos coups tordus. C'est virer à picoler, à se défoncer, à chaler. Les années vergognées m'ont changé à jamais. Les années ont tracé, les temps ont encore changé. Toutes ces sabreries appartiennent au passé. Et moi je suis là, comme à l'époque. Avec mes potes, avec la même boule à l'estomac. Les années ont passé, les temps ont encore changé. Toutes ces savories appartiennent au passé. Mais la savarie est là, toujours unie. Quand qu'elle pourra, elle sera toujours là. La savarie est là, toujours unie. Quand qu'on le pourra, on sera toujours là. La savarie est là, toujours unie. Et tant qu'on le pourra, on sera toujours là. Capo Blood, les années Bergo dans Pyongyang City Rockers numéro 373 sur Campus 106,6. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Ah oui, et il faut aussi que je vous précise que cette EP de Capo Blood, le dernier donc de la liste, est à mettre au crédit des labels donc Mawashi, mais aussi Sabre Fossil, Chrome, Ultramarine Bordeaux, Kiki Rasso et Tapé dans le Mille. Capo Blood, donc maintenant absolument rien à voir. Je continue et je pense que je finis pour ma rétrospective 2024 que j'égrène depuis le début du mois avec quelque chose qui est sorti en 2024. C'est La Faiblesse que je vais vous passer maintenant. Un petit titre qui crie pas trop au piano. Faiblesse dans Pyongyang City Rockers. On annonce un petit peu des concerts aussi. Le principal événement de cette semaine en question post-punk, on va dire, c'est ce vendredi à la Malterie où vous aurez le privilège de voir Marmule, les indie punk des Flandres, Adieu Soleil, post-punk lillois et Var, post-punk no-wave, originaire à la fois de Gand et de Courtrai. Il y en aura aussi un qui va nous faire du DJ set avant, pendant et après, me semble-t-il, c'est Naki, qu'on peut écouter tous les samedis soirs sur l'antenne AMI de RCV 99FM. Ça sera donc tout ça à la Malterie de 150 boulevard Victor Hugo à Lille à partir de 20h. C'est 8 euros en pré-vente sur le site de la Malterie. C'est quoi le site de la Malterie? Malterie.fr. Ouais. Ouais, .org, un truc ouais, comme ça. Ouais, un truc dans ce genre-là. Ouais, bon, ce qu'il y a, c'est que... Vous cherchez la malterie sur DuckDuckGo et vous trouvez. Ouais. sur DuckDuckGo. Ouais. Non, c'est lamalterie.com. Voilà. Ouais. Et puis, ça sera 10 euros sur place, s'il reste des places le soir même. Hein. Moi, je vous recommande d'y aller. Personnellement, bah, je pourrais pas y être pour différentes raisons. Et faut souligner que c'est organisé par l'excellente association Mohamed Dali, qui est une des associations qui sont hébergées et qui bossent à la Malterie à Lille. Voici donc trois titres de première, donc dans l'ordre d'apparition sur scène. Premièrement, premièrement Marmule, deuxièmement Adieu Soleil et troisièmement Var. Et si j'arrive à donner les titres, je vous le fais de ce pas. Et donc, bah, les voici. Marmule, ça sera Get Some Sleep. Ensuite, il y aura Adieu Soleil avec Out of Water. Et en fait, c'est là quand on écoute ça, on se rend compte que JCVD avait raison. Dans 20-30 ans, il n'aura plus de l'eau. Bah ouais, voilà. Enfin, si, à part celle qui tombe du ciel. Et puis, le troisième titre, ça sera de Var, V-A-A-G. Vague, comme on dit en France. Le titre, c'est Blood Dry. Ce n'est pas un village où le puits est bouché, mais quelqu'un qu'on a saigné jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui coule. Voici donc Marmule, Adieu Soleil et Var, qu'on retrouvera ce vendredi à la Malterie. Wouhou. Yeah. Et le petit fade out qui va bien, je rappelle, le Marmuladieu Soleil et VAR ce vendredi à la Malterie. Ça va, Célia? Ouais, réussi. Ça va, j'ai réussi à arriver. Merci, merci pas les footix. Hein. Attention, il y en a des fois qui viennent nous soutenir. Ils vont au match, ils viennent ici pour nous soutenir à nous. Bah, merci pas ceux qui vont voir le LOSC. Allô Manu. Bon. Je vais passer à un groupe qui s'appelle Az, ça veut dire lièvre. Ouais. Et c'est du punk hardcore qui vient d'Autriche. Leur dernier album, il s'appelle 14 Songs. C'est sorti en cassette fin 2024 chez Phantom Records. Ça va vite, ça va très vite même. Je pense que j'aurais presque pu passer l'album en entier. Il y a 14 morceaux, il fait 8 minutes. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc là, t'as sélectionné le J'en plus ai long. Pris deux. J'en ai pris deux. Il y en a deux. Bah oui, parce que sinon, c'était vraiment très très court. Mais tu vois, toi qui fais des blocs de 8 minutes, ben là, on aurait pu entendre un album. Excellent. Du coup, j'ai pris le morceau You Have a Decision, They Don't et Tam Tam. Az. C'est ça. Ça va, dit que ça allait vite. Vous êtes à l'écoute de Pyongyang City Rockers numéro 373 à l'antenne de Radio Campus 106,6, la radio libre de la métropole lilloise. Deuxième petite communication de notre Gaël, absent mais quand même présent dans nos cœurs, et par ce texte que je vais vous lire maintenant et par le titre que je vais passer après. On en a passé la semaine dernière, mais vu la tuerie qu'est cet album, on ne va pas se priver de vous en diffuser un deuxième morceau en exclusivité. Ça sort le 7 février sur Pirate Press Records, The Firm Records, HFMN, Randale, Schallplatten et Une Vie pour Rien. Ça joue mardi prochain à Mal, Ostmal, exactement à côté d'Anvers, en compagnie de Mess et de Claim the Choice. Et j'ai le t-shirt. Ouais, t'as vu. Première date donc de la tournée de Lion's Law, 30 dates en 2 mois, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Pays de l'Est, USA, Mexique, Colombie et Costa Rica. Rien que ça, je vous propose le morceau Brother, qui se trouve en deuxième position de la face A, qui s'appellera Evermore. Lion's Law sur le 106,6, merci UVPR, oi. We'll be right back. Leonzlo, ouais. Bah ça promet. Il paraît album, qu'il y a des gens, quand on lance le titre un peu trop tôt, bah, ils reconnaissent rien qu'aux premières mesures. Tac. Bah, c'est ouais. curieux. Comme ça, ce qui se passe. Moi, je vais vous passer un groupe de Paris qui s'appelle Listerine. C'est du punk hardcore. Mm-hmm. Listerine aussi, c'est une marque de bain de bouche. D'accord. Et donc, pour continuer dans le délire de ce nom de groupe, leur album, il s'appelle, leur EP, il s'appelle Dents et Gencives. Okay. Du coup, quand tu cherches des infos sur le groupe, tu tapes Listerine dans les gencives, bah, en fait, tu tombes sur du bain de bouche. C'est tu super, dois rajouter punk, hardcore, machin, c'est à Paris. Ça. Ouais, okay. Ouais, moi, ça me fait penser à Palpatine, hein, mais bon, c'est pas pareil. Quoi. Comme, ouais. Je sais plus, il y a un groupe de Bruxelles aussi qui finit par In. Là, je sais plus ce que c'est. Enfin, bref. C'est, hein, les Belges, ils seraient là, bah, ils nous le diraient. Voilà. Bah, ouais. Hein ouais. Du coup, bah, y a pas énormément d'infos. Ils ont enregistré un album qui est sorti sur Bandcamp. Et j'ai pas trouvé, en tout cas, il a pas l'air d'être sorti en physique. Alors, leur banquant, c'est Listerine dans les gencives c'est ça. Ou autre chose ? C'est Listerine. Dans les gencives, c'est le nom de leur EP. <D'accord>. Et leur premier concert, c'est que le 22 février. Ils sont pas joués avant, apparemment. À Paris ? Ouais, à Montreuil, apparemment. Ça m'intéresse pas. À Montreuil, ouais, bah, c'est désolé. Paris, quoi. Bon, ouais, c'est bon. Bah oui, c'est des Parisiens, en même temps, ils jouent à côté de chez eux. Absolument. Du coup, on écoute tout de suite Tumatrice de Listerine. Oh. Faire. Hein. Putain, bah ouais. Ouais. Je continue dans le gros hardcore, mais cette fois-ci, c'est pas parisien ou montreuillois, c'est soit du HFHC, soit du NGHC. Donc, soit ils sont Hauts-de-France, soit ils sont NG. Noël Godot, voilà. Moi, personnellement, le nom de France, je l'oublie. Hein. Bon, moi, c'est Nord-Pas-de-Calais, NP2C. Oui. Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Ouais, non, Nord-Pas-de-Calais. Le reste, ça n'existe pas. Attends, des cathédrales au milieu de champs de betteraves. Et puis rien. Et puis rien. Bon, bref, les Picards peuvent nous téléphoner au 03 62 26 89 18, mais pendant les plages musicales. Pour l'instant, donc, je vous passe un petit titre de ce groupe NGHC qui s'appelle Loyal to None, qu'on a déjà pu voir un paquet de fois. Ils vont jouer début mars à la Capsule à Arras. Donc, c'est encore dans longtemps, j'aurai l'occasion d'en recoser. Pour l'instant, voici un titre en italien, Disgraziato, avec un featuring des Italiens de Boulevard of Death, Loyal to None, ça c'est sorti sur leur démo 2024 qui s'appelle Full Scale, Loyal to None, Disgraziato. Loyal to none, Zeppelin. C'est pas possible. Ça enchaîne trop vite c'est aujourd'hui. Puis on vient de City Rockers, numéro 3, 7-3. Bonjour Célia, comment allez-vous? Bah ça va être. Ouais. Je vais passer un petit phosphore. C'est un groupe de punk hardcore qui vient de Bordeaux. Il me semble qu'on en a déjà passé ici. Ouais, et puis ils sont même déjà passés à Lille une paire de fois. Là. Ouais, ils sont déjà venus jouer au CCL. Puis ailleurs, je sais plus. C'est ça, leur première cassette, il me semble que c'est Dirty Slap qui l'a sorti. Exactement. Eh, si Dirty Slap n'était pas là, qu'est-ce qu'on ferait hein? C'est clair. Je vous pose la question. Dirty Slap Record, vous cherchez sur Bandcamp et vous allez le trouver. Et donc, ils ont sorti 3 titres sur FlexiDisc. Ça s'appelle BDX 2024. C'est disponible, c'est Symphony of Destruction. Et je vais passer le jeu continu de Phosphore. Pardon. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, bah, c'est un titre qui fait 5 minutes. Parce qu'il fait soif. Et donc, c'est le bon moment pour passer un titre d'un groupe qui passe demain au Pits. Beehoover. Ils se disent eux-mêmes DIY Prog Sludge. Moi, je trouve qu'il y a certains titres qui font carrément penser à du vieux No Means No, mais en allemand, enfin par des Allemands. Et puis, il y aura un groupe bruxellois, mais qui, lui, a un nom allemand, c'est Aufhebung. Eux, c'est du sludge lent et riffesque. Le sludge, c'est lent. Pourquoi ils disent que c'est slow sludge? Donc, c'est même lent c'est par rapport à du sludge. C'est du sludge encore plus lent. Ouais, encore plus lent, c'est fou, quoi. Donc, ça sera demain au Pits à partir de 18h30, Beehoover, qu'on va pouvoir écouter maintenant avec Low Performer, comme moi ce soir. Sophisticated. Don't we have the fear? Un joli petit fade-out, c'est beau. ça permet d'arriver devant le micro. Bihou, il passe demain soir au Pits à Courtrai. Moi, je vais encore parler d'un groupe où j'ai galéré à trouver des infos à cause du nom. Tu le fais exprès ou quoi? Ben non. Ça s'appelle Bondage, donc forcément, quand tu cherches des infos, ouais, tu tombes sur plein d'images. Bah de label français. Ouais. C'est ça. Ouais, okay. C'est Bondage Records. Ouais. Bravo, t'as trouvé. Je connais quand même. T'as vu, il parle. Du coup, c'est un groupe qui fait de la noise punk japonaise style années 80. Ils viennent du Chili. Ils ont sorti Le style. Le style. Alors, bah, c'est traduit de l'anglais, mais du coup, c'est noise punk japonais années 80. Ok. Bon, soit. Du coup, ils viennent du Chili. Ils ont sorti un vinyle qui s'appelle Alfin El Demo chez Discos Enfermos. C'est bien, ils avaient déjà sorti eux-mêmes cet album en version cassette. Et du coup, là, ils le font en version vinyle et puis ils le distribuent en Europe. Apparemment, il y a une petite surprise à la fin du vinyle. Donc du coup, ben, vu que je ne l'ai pas, on ne l'aura pas. Tu sais où est-ce que c'est, par qui c'est distribué en Europe ou pas? Bah, Discos Enfermos, c'est européen. Ah oui, européen. Mais oui. Ouais, à côté de ses pompes, le mec. C'est ça. Il me semble que c'est espagnol, si je ne raconte pas des bêtises. Oui. C'est pas suédois, je crois pas. C'est ça. Enfin, quoi que, on pourrait se tromper des fois. Et donc, on écoute tout de suite X-Gender de Bondage. J'ai bien entendu le côté japonais là. C'était à la fois fumé et puis gueulard comme il faut. Next, c'est un groupe qui vient de Waregem en Belgique, qui se proclame midlife punks, c'est-à-dire qu'ils ont déjà quelques années au compteur. Cette longévité se ressent dans leurs excellentes références et reprises, que ce soit des groupes belges comme Definitivos ou Red Zebro. Vous connaissez Red Zebro? Et puis ils font aussi des reprises d'internationaux comme Cat Power ou X-Respects, rien que ça. Quant à leur ville d'origine, Waregem, quand on dit Waregem, on pense forcément au Steeple, surtout si justement on a un certain âge. Steeple, où beaucoup de monde a passé beaucoup de temps autour des années 2000 et jusque 2014. Voici donc une compo autour de Next à la gloire de Steny, un des piliers du Steeple. Steny que les bien avisés et les chanceux ont pu retrouver plus tard aux commandes de l'éphémère Den Denier à Courtrai. Who cares, we're gonna die anyway par Next. We'll be right back. Ah bah ça sort des punks. Voilà. T'as encore un truc à passer là ? J'ai encore un truc à passer qui dure moins de 2 minutes, hein, comme sans d'hab. Blague. C'est un des restes aussi de ce qui était sorti en 2024. Oh, c'est un morceau de Pizza Tramp. Pizza Tramp, c'est un trio du Pays de Galles de punk hardcore trash punk. Toujours énorme à aller voir sur scène, parce que c'est un one-man show complet. Puis ça envoie du lourd. Leur dernier LP qui est sorti en 2024 s'appelle The Last Super. Il est sorti au mois de septembre et on écoute tout de suite Cop Fétiche de Cop Pizza Tramp. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, allez. Non, non, non. I got a cop fetish, feeling can kind of sum me up. Got a cop fetish, what an arrest. This is request for PC, but that's a tradition. A murder is suspicion of me up. My condition is my admission. I need the taser, I need submission. Push any in the water. Go off on a minor slaughter. Stop paying my license fee. Give myself to the nearest tree. I'll go full illicit. Can't wait for my next cop visit. I can't fucking wait. Fixation. A police detention by me up. I got a fixation. Cop penetration. What do you fuck? That a decision delusion. Psychic confusion of me. Dans Pyongyang City Rockers numéro 373, c'est Antisocial Workers avec le Mad Professor. Non, c'est pas lui. Hein. c'est issu de la grande vague de punk qui faisait des trucs avec les Rasta. Le plus connu, bien sûr, c'est Clash avec Mikey Dread, mais bon. Il y avait aussi Antisocial Workers avec Mad Professor. Le titre, c'est Vandalize the Vatican. Vandaliser le Vatican, on va savoir pourquoi. C'est la fin de Pyongyang City Rockers, numéro 373. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h sur Campus 106,6. Merci Philippe d'être venu nous assister. Pas grand chose. Célia, nous avons réussi à vaincre cette heure alors que ceux qui devaient venir j'y ne sont pas venus. Plus, hein. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. 374e, ça y est, j'ai dit 374, 374. 374. Ouais. Vous continuez d'écouter Radio Campus, il y a plein de très bonnes émissions. Dans quelques minutes, secondes, vous allez retrouver Teen Grinder avec l'ami JD. Ensuite, de quoi ça sera le tour de B-Boy Bouillabaisse à partir de 22h. Et après, il y aura plein d'autres trucs, hein. C'est qu'en plus, 106,6. Et puis, on n'oublie pas. Okay. Yab. The Church of England institution of marriage. They're not gonna tell us what to do with our bodies. The Church of England institution of marriage. tell us what to do with our bodies.